Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la construction du mur de Berlin en août 1961. Depuis dimanche, Berlin est donc vraiment coupé en deux parce que le rideau de fer ne laisse plus rien passer, ni le S-Bahn, ni le métro de Berlin qui jusqu'ici avait été le symbole de l'unité de l'ancienne capitale allemande. En une nuit, les autorités de l'Est ont dressé une immense toile, un immense réseau de barbelés, de chausseries, de barricades. Le journaliste Pierre Rolland, qui décrit l'opération surprise décrétée par les autorités est-allemandes et menant à l'érection du mur de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin, le mur de la honte, divisera une ville, un pays, deux mondes pendant presque 30 ans. Dans quel contexte est construit ce mur? Quel impact aura-t-il sur la vie des Berlinois et sur la géopolitique du monde? Quand apparaîtront enfin les premières brèches qui mèneront à son éclatement le 9 novembre 1989? Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 kilomètres de longueur, ces 40 kilomètres par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 kilomètres que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait. Extrait d'un film d'actualité français présenté en août 1961 et qui témoigne bien, tout comme le reportage qu'on entendait, le premier extrait, ce reportage de Pierre Rolland, qui témoigne bien de ce choc ressenti à Berlin, mais dans tout le monde, le matin du 13 août 61. Pour nous raconter l'histoire de la construction de ce mur de Berlin, l'historien Carl Bouchard, professeur à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ce matin du 13 août 61, c'est le choc. Oui, c'est le choc parce que tout à coup, on ne circule plus librement dans cette ville, qui est quand même une ville étrange, effectivement, séparée en zones, mais qui permettait quand même une certaine fluidité entre l'Est et l'Ouest, et un blocage apparaît, un premier blocage apparaît. C'est pas la première fois qu'à l'Est, du côté de la République démocratique allemande, on contraint, disons, d'une certaine mesure, la fluidité. Mais là, c'est beaucoup plus sérieux. Ouais. Et c'est drastique. Il y a des milliers de soldats qui sont présents pour bloquer l'accès. Érection d'un mur physique, on y reviendra, qui sera temporaire en quelque sorte, mais ça se fait quand même en une nuit. On recule un peu quand même pour comprendre comment on en arrive à la construction de ce mur. Peut-être nous parler, vous l'avez évoqué, c'est une ville qui est divisée en différents secteurs, mais ce Berlin de l'après-guerre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une ville déjà qui doit être reconstruite. Au moment où la guerre se termine, en 1945, Berlin est rasé. C'est une ville qui a perdu une part importante de sa population, mais c'est un symbole. C'est un symbole pour l'Allemagne, c'est un symbole pour les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. C'est l'ancienne capitale de l'Empire allemand, du Troisième Reich. Et les vainqueurs tiennent à être présents dans cette ville. Donc c'est assez étrange quand on regarde une carte de l'Allemagne de l'après-guerre où on a séparé en différentes zones le territoire. Il faut dire aussi que l'Allemagne cesse d'exister légalement après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on sépare dans un premier temps la zone. Dès l'automne 1944, les vainqueurs de la guerre, les éventuels vainqueurs de la guerre commencent à s'entendre sur la séparation des zones. Et les Britanniques et les Américains tiennent à avoir pied dans Berlin, même si physiquement, leur présence est beaucoup plus limitée. Donc, les Soviétiques sont à Berlin. Mais finalement, on s'entend pour qu'il y ait une Allemagne séparée en zone d'occupation et cette capitale qui, elle, va être dans le miroir de cette zone d'occupation, une capitale séparée. Donc, c'est une ville symbole qui a son importance stratégique et son importance symbolique. Revenons à cette fameuse nuit et à cette idée de construire un mur. Vous le disiez, il y a déjà eu des tentatives du côté est-allemand de réduire, de contraindre la fluidité. Mais pourquoi on construit? Qu'est-ce qui pousse la RDA en 61 à construire ce mur? À le faire. Eh bien, c'est intéressant parce qu'on l'entendait aussi dans l'extrait. En fait, très clairement, dès le début, on sait pourquoi on construit le mur. À l'ouest, en fait, on a un argument très clair, c'est que la RDA se vide de sa population. Et c'est assez fascinant de voir la fuite, effectivement. Entre le début des années 50 et 1961, il y a 2 millions d'Allemands de l'Est qui quittent l'Allemagne sur une population de 18 millions. Donc, c'est un flot quotidien, une hémorragie quotidienne, et c'est un exode de cerveau, un exode de travailleurs. Ouais. Et donc, les raisons premières de cet exode, ce ne sont pas des raisons politiques, ce sont des raisons matérielles. Ouais. Les gens quittent l'Allemagne de l'Est parce que les conditions sont meilleures à l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est un peu récupéré par l'Ouest en disant, voilà, ce mur-là, c'est la preuve de cet échec communiste, de cet échec est-allemand. C'est vraiment la preuve par l'absurde. Ouais. C'est vraiment la preuve par l'absurde d'un régime qui ne parvient plus à assurer le bien-être de sa population et donc la population quitte. Mmh. Et il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution et enlever. Alors que c'est, depuis surtout les mois qui ont précédé, le 1960, c'est plus de 200 000 personnes qui partent en 1960, début 61 jusqu'à août 61, 150 000 qui sont partis déjà pour la moitié de l'année. Alors, le flot ne se tarit pas, au contraire, ça augmente. Et comment va réagir officiellement? Comment réagit l'Ouest à l'érection de ce mur en août 61? Ben, on réagit de façon assez paradoxale, en fait. Et c'est là que les échelles sont importantes. À Berlin, c'est le choc. Mm-hmm. En Allemagne, c'est aussi un choc, mais c'est un peu plus modéré. Konrad Adenauer, qui est le chancelier allemand de la République fédérale allemande, a une protestation verbale, mais il n'y a pas de déplacement physique. Il ne va pas se rendre à Berlin directement. Les Alliés condamnent le geste, mais ne vont pas réagir de façon absolument formelle. Les Américains, quelques semaines plus tard, les Américains vont envoyer des soldats en renfort à Berlin, mais malgré tout, il n'y a pas de réaction à la mesure du geste qui est en train d'être posé. Pourquoi? Par la RDA. On a peu à peu compris que pour l'Ouest, c'était dans le fond... comment on peut l'expliquer? Entre deux mots, peut-être le moindre. Mm-hmm. C'est-à-dire que... Ça fait un peu notre affaire. Ça stabilise une situation et surtout, un pays qui se déstabilise comme la RDA est en train de se déstabiliser en perdant des centaines de milliers de travailleurs chaque année, eh bien, doit adopter des mesures de plus en plus drastiques. Et c'est une façon de stabiliser la République démocratique allemande. C'est une façon de stabiliser la guerre froide. Oui. Revenons sur l'aspect subi. On parle du choc que ça provoque. Ça se fait en une nuit. Cet aspect subi, cette opération secrète, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais évidemment, le mur qu'on construit d'abord, il est temporaire. Le mur permanent, on va prendre du temps à le construire. Mais qu'est-ce qui se passe très, très concrètement cette fameuse nuit-là? Ben déjà, il y a 15 000 soldats qui vont s'installer le long des lignes de partage, en fait, des zones de partage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et donc, pendant la première nuit, on va commencer simplement avec des barbelés. Donc, on installe des barbelés dans un premier temps. Il faut comprendre aussi que la circulation est importante. Il y a 500 000 de personnes qui vont d'une zone à l'autre chaque jour. Il y a 60 000 Allemands de l'Est qui vont travailler à l'Ouest, une dizaine de milliers de Berlinois à l'Ouest qui vont travailler à l'Est chaque jour. Et là, ben, c'est un dimanche. C'est pas pour rien non plus qu'on le fait un dimanche. C'est une journée tranquille. Les gens travaillent pas. Donc, il y aura moins de passage cette journée-là. Et pendant la nuit, donc, on décide de mettre ces barbelés le long d'une quarantaine de kilomètres, en fait, de zones entre les deux zones, effectivement. Et on coupe les transports, on l'évoquait dans le reportage, le S-Bahn, le métro, fini. Et coupé. Il y a deux lignes de métro, en fait, qui passaient entre les zones. 11 stations de métro qui, tout à coup, sont fermées. Même chose pour le train de banlieue. Donc, on ferme ces stations. Puis, si certains auditeurs sont déjà allés à l'époque de l'Allemagne, fédérale, eh bien, ces métros continuaient. Hein? Ils continuaient toujours à rouler dans Berlin-Est, mais c'était des stations fantômes, en fait, qui étaient fermées et qui étaient contrôlées par les soldats est-allemands. Donc, un métro qui existait toujours, mais des stations fermées. Oui. Donc, ça veut dire, c'est assez clair, coupure complète, du jour au lendemain, ces Berlinois qui se promenaient d'un secteur de l'Est à l'Ouest, qui travaillaient, qui allaient voir la famille, fini. Instantanément. Exactement, en une nuit. On peut parler même des étudiants. Il y a un tiers des universités à Berlin-Ouest qui étaient remplies par des étudiants de l'Est. Alors, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus aller à l'université. Donc, on peut comprendre l'impact très, très matériel, très physique de cette séparation-là du jour au lendemain. Et puis, on ne parle pas évidemment des familles qui se sont retrouvées séparées. Et il a fallu trouver des solutions, effectivement, dans les mois qui vont suivre. Ouais, sur le plan logistique, urbanistique, ça a aussi été un véritable cauchemar. On peut assez facilement l'imaginer. imaginer. La raison officiellement, parce qu'on on a bien vu avec vous, c'est cette hémorragie, ces Allemands de l'Est qui quittent vers l'Ouest, qui convainc la RDA de diriger ce mur. Officiellement, comment on justifie? Comment la République démocratique dit, voici pourquoi on érige un mur? On érige le mur. La nuit de l'érection du mur, la RDA a émis un décret qui présente les raisons, en fait, la raison principale. Et peut-être qu'on peut rapidement l'évoquer en disant que nous, à l'Ouest, on parle du mur de Berlin, eh bien, à l'Est, on parlait d'un mur de protection antifasciste. Et l'argument utilisé par le gouvernement est-allemand, c'était de dire que le gouvernement de la République fédérale allemande avait des visées agressives contre la RDA et que c'était une façon de se protéger contre les impérialistes, les militaristes et les revanchards, j'utilise des guillemets, c'est la façon dont on les présente dans le décret, qui attaquaient et qui avaient une volonté donc de s'accaparer la République démocratique allemande. Il faut dire aussi que ce n'est pas entièrement non fondé dans la mesure où la RFA s'est toujours présentée comme celle qui représentait l'ensemble de l'Allemagne. Et la République fédérale allemande avait refusait l'existence officielle. Et même depuis 1955, la doctrine Hallstein stipulait que la RDA allait rompre toute relation diplomatique avec un État qui reconnaissait la République démocratique allemande, sauf l'Union soviétique. Les rapports étaient trop proches, étaient trop importants. Mais il y avait vraiment cette idée qu'on ne reconnaissait pas la RDA. Et pour la RDA, c'était une façon aussi de se légitimer et d'avoir, justement, à un moment donné, cette reconnaissance internationale. Il est, on l'a vu déjà avec vous, puis on va y revenir dans un instant, très, très important, ce mur symboliquement, au-delà de couper une ville en deux, avec tout ce que ça veut dire pour les habitants de Berlin, c'est symboliquement très, très fort. Et évidemment, les auditeurs vont se souvenir de ceci. All free men. Wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Le président américain John Fitzgerald Kennedy, lors de son célèbre discours du 26 juin 1963 à Berlin. Karl Bouchard, pourquoi Kennedy se rend à Berlin en juin 1963? Kennedy se rend à Berlin pour affirmer justement l'importance de cette ville. C'est deux ans plus tard. On est encore dans le spectre de cette tension de la guerre froide. Et puis, c'est pour marquer aussi l'importance symbolique de cette séparation. C'est-à-dire qu'on doit, à l'Ouest, rappeler aux Allemands constamment qu'on n'oublie pas l'Allemagne. Ouais. Et que ce qui est important pour l'Ouest, c'est de garder intacte, justement, cette affection et cet intérêt pour l'Allemagne. Et d'autant plus que Berlin étant ce qu'elle est, c'est une enclave dans la RDA. Erich Honecker, qui a été chef du gouvernement allemand, a dit que c'était le pieu dans la chair de la RDA. Mm-hmm. Donc, un rappel constant que la RDA a un problème avec Berlin. Donc, se rendre à Berlin, c'est un symbole extrêmement important. Ça veut dire qu'on ne vous oublie pas. Et on n'abandonne pas les Berlinois de l'Ouest non plus. Exactement. Parce que la politique de l'Union soviétique et la politique de la RDA, c'était d'éventuellement décourager l'Ouest et qu'on allait pouvoir récupérer cette enclave et en faire la capitale de la RDA entièrement. Puis on revient à ce que ça symbolise. C'est vraiment les deux armées à la guerre de 45, au fond, se rencontrent là. La ville, c'est cette séparation entre deux mondes, entre le monde communiste et le monde capitaliste. C'est ça qui est en cause à Berlin. Ah, tout à fait, exactement. C'est en fait ce qu'on a appelé plus généralement le problème allemand de l'après-guerre. On a cet immense État au centre de l'Europe qui est stratégiquement et géopolitiquement extrêmement important, avec une population d'un million d'individus, une force économique, même si l'Allemagne doit se reconstruire. Et après, c'est au niveau du symbole. On a surtout d'un côté, une République fédérale allemande qui, dès 1949, a sa propre monnaie, va revivre économiquement grâce au plan Marshall, alors que du côté de la RDA, on n'accepte pas le plan Marshall comme l'ensemble des pays du pacte de Varsovie. Et de leur côté, on essaie d'accoter ce modèle ouest-allemand qui peu à peu se construit. Et l'objectif, ce sera de présenter une RDA capable de concurrencer, en fait, la force économique. Puis de fait, la RDA va devenir pour l'Union soviétique l'espèce de vitrine, tout ce qui est moderne, tout ce qui est beau, les joyaux de la couronne en quelque sorte. Absolument. Mais appareils électroménagers, c'est la RDA qui est un peu, qui porte voilà. tout ça. Et la RDA l'utilise aussi comme un levier, c'est-à-dire que les gouvernements successifs en Allemagne vont constamment rappeler l'importance symbolique de l'Allemagne pour que l'Union soviétique leur donne de l'argent. Et alors que du côté soviétique, on est vraiment surpris de voir les Allemands de l'Est avec justement des électroménagers, un certain confort, en disant, écoutez, c'est pas eux qui ont gagné la guerre, comment ça se fait qu'eux, ils vivent mieux que nous? Ils ont construit un grand mur gris, couleur d'ennui, couleur malheur, un mur de gêne, un mur de peine, un mur de haine, un mur de peur. Et ils ont fait ce qui devait à tout jamais nous séparer. Ils ont perdu, ils n'ont pas pu nous empêcher de nous aimer. Ils ont construit un grand mur gris. Alors, je ne connaissais pas cette chanson. Karl Bouchard, vous ne la connaissiez pas non plus. C'est plus qu'anecdotique. Barbara Streisand, si vous ne l'aviez pas reconnue, qui chante donc cette chanson, Le Mur. Et ça nous ramène encore une fois à cette valeur symbolique qu'a ce mur pour l'Occident. Mmh. C'est la version occidentale qu'on entend. Le mur de la honte, mais aussi l'espoir, la conviction que nous vaincrons. Exactement. Ça a été, en fait, l'histoire de ce mur. C'est-à-dire... sans être trop irénique, on peut certainement dire que les murs sont faits pour tomber. Donc, on sait qu'à un moment donné, ce mur va tomber. Qui s'en sortira vainqueur, on ne le sait pas. Mais peu à peu, on commence à s'apercevoir que la RDA et le Bloc communiste ne pourra pas suivre le développement. Mm-hmm. Même si, par moment, on réussit des coups d'éclat, même si, par moment, on fait des coups de force, le temps est du côté du Bloc de l'Ouest. Et c'est ce genre de chanson qu'on va avoir. Le message de Kennedy, c'est pareil. C'est la même chose. Même chose avec Reagan lorsqu'il dit « Tear down this wall » pendant son premier mandat. C'est-à-dire qu'on doit garder vive cette idée qu'un jour le mur tombera et que les Allemands seront réconciliés. Et il va tomber le 9 novembre 1989, mais il y a des brèches qui vont apparaître bien avant. Dès 1963, en fait, on permet aux Berlinois de l'Ouest de passer à l'Est comme visiteurs. Extrait d'un reportage de la RTF diffusé le 20 décembre, juste avant Noël, le 20 décembre 63. Vous êtes le 10e ou 11e à passer le mur de Berlin ce matin. Ah, oui. Vous avez eu votre visa hier? Oui, j'ai hier et un jour avant. Combien d'heures d'attente? J'ai attendu 15 jours et 15 heures. 15 heures. Et ici à Berlin-Est, vous avez votre famille, votre mère? Oui, j'ai ici ma mère et mon frère et une sœur. Vous ne les avez pas vus depuis combien de temps? C'était presque 2 années. 2 années? Oui. Est-ce que vous leur apportez des petits cadeaux de Noël? Oui, des cadeaux de Noël et un peu de fruits. Ce sont des choses que les hommes n'ont pas ici. Oui. Qui n'ont pas ici. Oui. Est-ce que pour vous, ce passage du mur de Berlin, pour la première fois, ça a une importance? Oui, c'est la première fois et... C'est très important pour moi pour voir ma famille. Oui. Donc, on le voit bien, encore une fois, Karl Bouchard, le côté concret, là, quand on décide en 63 de rouvrir pour les Allemands de l'Ouest le mur, ils peuvent aller voir leur famille à l'Est, ça devient très, très, très concret. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette première brèche, à cette ouverture en 63? On le voit, c'est une trêve de Noël un peu dans ce cas-ci. On permet, c'est 1 200 000 personnes à peu près qui pendant Noël vont pouvoir se retrouver. C'est tout simplement que malgré tout, même si on a toujours cette image d'un régime extrêmement dur, extrêmement sévère. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas tolérer dans le régime. Même chose lorsque, le jour de la création du mur, il y a des protestations à Berlin. Il y a des gens qui se réunissent, des jeunes notamment, 400 personnes qui vont manifester, qui vont dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est contrairement contre l'idée socialiste et tout ça. » Donc, il y a des choses, à un moment donné, qu'on ne peut pas tolérer. Cette séparation des familles, elle est intolérable. Ouais. Et malgré tout, on doit poser certains gestes. Et puis, peu à peu, il faut dire aussi que l'atmosphère se détend. C'est-à-dire que du côté de l'Allemagne de l'Ouest, avec Willy Brandt comme chancelier, on élabore ce qu'on appellera l'Ostpolitik, donc la politique de l'Est. Mm-hmm. Et c'est la politique de Willy Brandt, c'est aussi une réaction à l'inaction de l'Ouest. Donc, Willy Brandt, à l'Ouest, se dit, on ne fait pas grand-chose pour empêcher ce mur. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme Allemands de l'Ouest? Ouais. Eh bien, on va se rapprocher de l'Union soviétique. Garder le contact. Exactement. On va se rapprocher de l'Ouest et on va toujours garder vive cette idée qu'on va un jour être de nouveau ensemble. Ouais. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'un jour, on va se réunir. Alors, cette politique, cet os politique de Willy Brandt a été acceptée aussi dans le cadre de la coexistence pacifique. Et puis, on a commencé à ouvrir des points de passage un peu plus nombreux entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et puis, à faciliter aussi les procédures pour le passage des familles. Et qu'est-ce qui, le 9 novembre 89, donc le mur tombe, qu'est-ce qui, on pourrait faire deux heures là-dessus, mais en un mot, qu'est-ce qui sera déterminant dans le fait que le mur s'écroule? Le mur s'écroule, c'est un symbole qui s'effondre, mais l'ouverture a déjà lieu ailleurs. Donc, les points de passage ont déjà commencé en 89. C'est clair qu'on a un régime, un bloc de l'Est qui ne parvient plus à survivre économiquement. On connaît toute l'histoire de Gorbatchev avec sa transparence, l'idée de parler de transparence et de libéralisation, effectivement, de l'appareil politique. Et c'est des régimes qui, malgré tout, ont toujours été en état de négociation avec une population contrainte. Lorsque la première vanne commence à s'ouvrir et qu'on libère, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir ce régime-là, puisque tout le monde est prêt à faire ce passage de façon légale ou non. Ouais. Aujourd'hui, Karl Bouchard, il en reste quoi? D'abord, physiquement, il en reste quoi de ce mur de Berlin? Il ne reste pas grand-chose du mur de Berlin. On l'a, et c'est d'ailleurs aussi, on pourrait en parler longtemps sur ce rapport à la mémoire, que reste-t-il des régimes qu'on a rejetés? On a tendance à vouloir les oublier, donc à faire disparaître de l'espace public ces témoignages. Le mur, il est présent un peu partout dans le monde, puisqu'on en a des traces un peu partout. J'en ai apporté un petit morceau qu'on a regardé tout à l'heure. Il y a des morceaux carrément là, de ce mur. Il y en a un ici à Montréal. On dit qu'il y en a plus, si on les met bout à bout, dans le monde entier, qu'il n'en reste que le mur à Berlin. Lui-même. Certainement, exactement. Ouais. Il reste certains passages à Berlin où on a encore des bouts de mur. Il y a aussi des traces symboliques, des traces physiques à travers la capitale. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la fracture est beaucoup plus symbolique que physique entre Berlin. Dans la tête des Berlinois et des Allemands, il en reste quoi de ce mur? Il reste peut-être un certain ressentiment, parce que malgré tout, l'unification, ce qu'on appelle, nous, l'unification, a été vu par certains comme étant un phagocytage. On a plutôt accaparé l'Est qu'unifié l'Est et l'Ouest. Donc, il reste quand même dans les esprits cette idée qu'il y a deux portions de l'Allemagne. Ça prendra encore du temps, je pense, pour qu'on oublie cette séparation qui a duré un demi-siècle. Karl Bouchard, historien à l'Université de Montréal, merci infiniment. Avec plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.